Bon, après lolu amna lu jëm ci biki stylo Atlas Nano 0,7 mili, stylo Atlas Nano 0,7 mili ak stylo Prima ñom ñep ñu ma diké 60 francs CFA biñ ci fekk 150 pièces stylo Atlas Nano ak 288 pièces stylo Prima. Mais ñoom ñëpp benn bu nekk 60 francs CFA la diké. Au total 388 ak 50 288 ak 150 mooy loolu noonu. Stylo Atlas Nano 0,7 mm ak stylo Prima. Benn bu ci nekk 60 francs CFA.